Chapitre 8e. Monsieur Moret avait invité à dîner au café anglais Lariole, Monsieur de Jurieux, Monsieur de Guibray, l'oncle Jean, Dammartin et Lagardy. Fanny Keyes devait faire les honneurs de ce dîner, suite d'un pari perdu par le comte à une séance d'escrime. Fanny Keyes est une belle fille, blonde artificielle, aux yeux noirs, aux cils recourbés, aux lèvres d'un rouge improbable et superlativement élégante. Le comte tient avant tout à l'élégance, et il a, avec la couturière de sa maîtresse, des conférences presque aussi longues qu'avec son tailleur à lui. Fanny est, sans contredit, la femme la mieux habillée de Paris. D'ailleurs, banale en diable, chaque parole qu'elle prononce et chaque toilette qu'elle arbore ont l'air d'avoir souvent servi. La pauvre fille s'ennuie à mourir. Monsieur Moret, trouvant que les relations féminines qu'elle pourrait avoir n'ont pas suffisamment bon genre, ne lui en permet aucune. Il veut, en revanche, qu'elle ait un salon, où se presseront tous les hommes chics du jour, et Fanny en a par-dessus la tête des gens chics. Quand elle a la veine de tomber sur quelqu'un de moins chic et de plus amusant, elle lui fait fête, mais ce n'est pas du tout le compte de son seigneur et maître. Il déclare, mal élevé, tous ceux qui ne sont pas absolument ternes. À son avis, deux sujets de conversation sont seuls admissibles, les racontars financiers et les potins de cercle. Or cela, rien. Monsieur Moret est de plus en plus hanté de l'idée persistante d'entrer au jockey. Pour lui, c'est le brevet définitif d'élégance, le complément obligé du titre. Malheureusement, cela ne s'achète pas aussi facilement. « Je veux bien te présenter », lui a dit plusieurs fois l'oncle Jean, « mais je te préviens que tu seras refusé avec un accord touchant. » Monsieur Moret n'ose braver cet avertissement. Être refusé au jockey lui porterait un coup terrible. Depuis 4 ans, il souhaite ardemment qu'une occasion quelconque le mette à même d'affronter la présentation. Ah, s'il y avait une guerre! Et il verrait sans déplaisir une nouvelle invasion qui, lui permettant de se couvrir de gloire, lui ouvrirait toutes grandes les portes du paradis rêvé. Souvent aussi, il a cherché et trouvé les occasions de rendre service aux élus, espérant, à un moment donné, être payé de retour et s'arrangeant même de n'être payé que de cette façon. C'est grâce à lui que le comte de Louvain et le duc d'Étiole ont pu entrer, au bon moment, dans les combinaisons de l'Alliance universelle. Grâce à lui aussi que le petit de Chabanis paya le soir où il perdit tant chez le colonel. M. Moret a été ainsi plusieurs fois, dans un but qu'il n'a pas encore atteint, la providence du noble faubourg. D'Étiole, auquel il s'est ouvert franchement de son désir d'entrer au jockey, lui a répondu « Ma foi, mon cher, je ne vous conseille pas de vous présenter, pour le moment du moins. Le cercle a, depuis quelque temps, le nez tourné à la politique. Il souffle un vent légitimiste qui ne vous vaudrait rien. « Pourquoi donc ?» s'est écrié M. Moret. « Je suis légitimiste, moi. » Et D'Étiole, sublime d'impertinence. « Vous, pas possible. Ce serait inexcusable. » Le fait est que M. Moret est légitimiste. Il l'est même de très bonne foi, car il trouve avec raison que c'est de beaucoup l'opinion la mieux portée. Selon lui, les orléanistes manquent d'élégance et les bonapartistes de tenue. De plus, la situation de légitimiste non rallié a ce très grand avantage qu'elle n'engage à rien aujourd'hui. L'exclamation étonnée du duc d'Étiole le vexa. « Mais, protesta-t-il, je suis breton et dans mon pays, parfaitement, la vieille armorique, connue. Je sais que votre femme est bretonne. Moi aussi, mais je n'ai pas conservé de propriété là-bas. Vous aviez une habitation ? Non, des bois seulement, marmotta le comte en rougissant, comme ça lui arrivait chaque fois que les chantiers du père Moret se dressaient devant ses yeux anoblis. Mais ma femme a le château de Scaer, qu'elle tient à garder, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, mais qui vous empêche de prendre là-bas une situation politique ? Et D'Étiole ajouta en riant, « Quand vous serez député royaliste, je me charge de vous faire passer au club comme une lettre à la poste. » Ce fut pour M. Moret un trait de lumière. Précisément, un député du Morbihan venait de mourir. Le comte exposa à Josette son désir de le remplacer. « Êtes-vous fou ? répondit-elle en éclatant de rire. « Mais vous n'auriez pas une voix. Vos belles manières, vos airs dédaigneux, vous ont fait exécrer à Scaer. Mais vous, moi, vous voulez que... Ah non, je ne le prends pas à la pause avec les paysans, moi. Mais je ne peux pas les souffrir. Cependant, oui, je sais, vous me reprochez d'être populaire. C'est vrai, j'aime les gens du peuple, les ouvriers, les voyous même. Ils ont une énergie, un ressort, une crânerie qui me plaisent. Mais les paysans, poltrons, sournois et vicieux à la sourdine, me font horreur. Quand j'habitais Scaer, je m'arrangeais pour les voir le moins possible. Ne comptez pas sur moi pour votre campagne électorale. Si Jean voulait, eh bien demandez à Jean. » Vainement, M. Morel avait cherché depuis quelques jours à parler à l'oncle Jean. Il n'avait pu le joindre une seule fois. Madame de Villefranche l'absorbait tellement qu'on ne le voyait plus. C'est alors que l'idée de l'inviter au dîner du Paris était venue au comte. Rarement M. de Scaer était de ces parties-là. Si peu imposant qu'il soit, c'est l'oncle de Josette et M. Moret se sent malgré lui gêné par sa présence. Cela n'arrange pas du tout Fanny. Comme toutes ses pareilles, elle raffole du comte de Scaer et répète sans cesse à son neveu « Votre oncle est plus drôle que vous ». Elle a bien raison, Fanny. L'oncle Jean est beaucoup plus drôle que M. Moret, et si gentil pour ces demoiselles. Pas de préjugés ni de bégueulerie. Il se campe carrément à côté d'elle au premier rang d'une avant-scène, ne se fait jamais prier pour leur accorder un petit tour au poteau le matin. Enfin, les traite tout à fait en femme du monde, ce qu'elle prise fort. Depuis quelque temps, il est un peu moins empressé quand il s'agit de Fanny. Il n'ose se montrer trop prévenant pour la maîtresse de son neveu. Il a beau, pour se rassurer, se dire que tout ça est bien égal à Josette. Il n'a pas la conscience parfaitement tranquille. Le début du dîner fut lugubre. M. Moret, compassé comme toujours, couvait des yeux la toilette de Fanny, un chef-d'œuvre. Pour lui, avoir l'air ennuyé est le comble du chic anglais, bien entendu, le seul qui compte à ses yeux. Plus il s'amuse, moins il en a l'air, et si bien prise est l'habitude, qu'il ne souffre plus du tout de cette raideur obligatoire. L'aréole, furieux de sa ridicule aventure du matin, n'était pas à l'aise avec M. Moret. Il craignait presque que la comtesse n'eût parlé. M. de Guibray s'ennuie toujours quand sa femme n'est pas là. Le vicomte de Jurieux, inquiet des évolutions de l'Alliance universelle, se demandait si elle n'allait pas remonter. Pour lui, ce serait un désastre, et avec cette maudite valeur, il sait qu'il faut s'attendre à tout. Lagardie, ayant passé la journée aux courses, déborait sans maudire avec un de ces beaux appétits que donne le grand air. Dammartin, placé à gauche de Fanny, qui semble préoccupé, débite d'une voix nasillarde et monotone quelques spirituelles méchancetés auxquelles elle répond distraitement. « Sapristi, mes enfants !» s'écria tout à coup l'oncle Jean. « Mais vous n'avez pas une façon gaie de faire la fête ?»« La fête ?» dit M. Moret, qui parvient à avoir un léger accent anglais. « Qui parle ici de faire la fête ?»« Mais moi, parbleu, c'est embêtant ces dîners-là » Le comte, suivant son idée fixe et voulant tout de suite tâter M. de Scaer, répondit en souriant presque. « Je ne fais plus la fête, je suis sérieux. Avec l'aide de Dieu et la vôtre, mon respectable oncle, je veux devenir... « je sais, ta femme me l'a dit. Eh bien ?»« Eh bien, mon ami, une promenade à Scaer dans cette saison me sourit médiocrement, tu sais. »« Alors, non ?»« Je ne dis pas ça, mais enfin, je demande à réfléchir. Je verrai, ça dépendra. »« De quoi ?»« Je ne sais pas, je te dirai ça. » Ce que l'oncle Jean ne pouvait pas dire, c'est que le matin même, la toujours belle madame de Villefranche lui avait proposé le traditionnel voyage qu'elle propose à tous ceux qui ont le bonheur de lui plaire sérieusement. M. de Scaer était ennuyé de se sentir aussi épris. Souvent, il avait été le confident de ses prédécesseurs et s'était fortement moqué d'eux. L'aréole avait voyagé en Suisse, Guibray aux Pyrénées, Détiole, le plus long caprice de la belle grecque, avait été, pendant 6 mois, caché à Venise. L'oncle Jean pensait que lui aussi, il allait être obligé d'en passer par là, et l'idée de faire servir son petit voyage à l'élection de son neveu lui paraissait assez cocasse pour qu'il désirât la mettre à exécution. « Pensez-vous que j'ai une chance ?» demanda M. Moret. « Dame, mon ami, je ne sais pas trop. On t'a trouvé fier là-bas. Mais on vous adore. Ce n'est pas une raison pour te nommer, toi qu'on n'adore pas. Ah ça, quelle fichue fantaisie as-tu là ?»« Je veux me rendre utile, » dit M. Moret. En répondant, il regardait le fond de son assiette sur lequel il voyait se dessiner nettement le légendaire balcon de la rue Scribe. « C'est magnifique, » reprit l'oncle Jean incrédule. « Et ce désir de te rendre utile t'a poussé comme ça, subitement. »« Mais oui. »« C'est dommage que l'élection ne soit pas en été, » dit Lagardy. « Le déplacement serait plus agréable et nous irions tous en cœur travailler au bonheur du pays. » L'oncle Jean, à moitié résigné, soupira malgré lui. « Josette pouvait mener cette affaire bien mieux que moi. Elle est populaire comme tout, Josette. Oui, mais elle ne veut pas. Elle prétexte son antipathie pour les paysans. « C'est vrai, » dit étourdiment l'oncle Jean. « Cette antipathie n'est comparable qu'à l'horreur qu'elle a pour... » Il s'arrêta brusquement, rappelé à lui par la physionomie narquoise de Dammartin. Au reste, il pouvait se rassurer. Le comte Moret a trop complètement oublié son origine pour être froissé. Il lui semble, au contraire, que cette façon libre de parler des bourgeois devant lui prouve qu'on ne le considère pas comme appartenant à l'espèce. Il répondit à M. de Scaer. C'est néanmoins très simple, mais vous connaissez Josette et son entêtement bien breton. C'est bon, nous parlerons de ça à un autre moment, dit brièvement l'oncle Jean, peu soucieux que devant Fanny, il fût question de sa nièce. M. Moret comprit la leçon et se tut. Il y eut un silence. Puis M. de Jurieux, n'y tenant plus, demanda « Moret, savez-vous ce que fait réellement l'Alliance ?»« Elle baisse. Tout le monde le sait. On l'a bien vu hier, j'imagine. Je vous demande s'il n'y a pas un coup, si on ne rachète pas. Mais je ne sais rien. Comment ?» dit Dammartin de sa voix appuyée et traînante. « Le Dru ne vous raconte pas les dessous. C'est pas gentil, car franchement, il vaudrait bien ça. » Fanny, se retournant très vite, regarda attentivement son voisin. La vieille rognure mangeait sa mousse au chocolat en caisse, de l'air le plus innocent du monde. « Moi, » dit Lagardy, « je considère comme perdu les fonds confiés à M. Le Dru. »« Que voulez-vous dire ?» demanda M. Moret. « Que le bonhomme nous vole !» Tantôt j'avais envie de gifler son museau de fouine. « N'empêche, » reprit l'aréole, « qu'il nous roulera tous, c'est un malin. » « Et puis, » dit M. de Scaer, « on est bien fort quand rien ne vient arrêter l'élan. Le père Ledru fait n'importe quel tripotage malpropre, et si dans l'avenir il ne trouve plus à négocier ses valeurs, eh bien, il lui reste sa fille. »« Oh !» fit M. de Guibray, scandalisé. « Ce pauvre Guibray, » dit moqueusement Dammartin, « vous l'arrachez toujours à son nuage. » Fanny, subitement intéressée, demanda « Est-ce que vraiment le père Ledru est de cette force-là »« Oui, naïf enfant, » répondit Lagardy, dont l'appétit était à présent calmé. « Ce Lagardy a décidément un ton détestable, » pensa le comte. Les familiarités du petit journaliste le crispaient. Fanny était sa maîtresse à lui, le comte Moret, et ce titre devait, croyait-il, anéantir tout un joyeux passé. Quelquefois, il ennuyait tellement Fanny, la morigénant sans motif, lui prescrivant la tenue qu'elle devait avoir avec ses anciens amis, que la pauvre fille avait des envies folles d'envoyer, comme elle dit, tout promener. La générosité du comte la retenait. Habituée à un luxe excessif, elle sentait qu'elle ne pourrait ni s'en passer, ni le retrouver avec un autre que lui. Qui donc lui donnerait ainsi de l'argent sans compter, choisirait ses chevaux et ses toilettes ? Personne ne s'entend comme M. Moret à monter une maison, à organiser une fête. D'ailleurs, pas encombrant. Pas assez même depuis quelque temps. Après dîner, tandis que le comte offrait les cigares, Fanny Keyes, s'approchant de l'aréole, lui dit à demi-voix « Je voudrais vous parler. » « J'écoute. Pas ici. » « Alors j'irai vous voir ?»« Non, c'est moi qui irai chez vous. À quelle heure y serez-vous demain ?»« Mais quand vous voudrez ?» dit l'aréole surpris. « J'irai à 3 heures. »« Je vous attendrai. » « Positivement, » affirmait l'oncle Jean, « il est impossible de s'ennuyer plus ferme qu'on ne s'ennuie ici. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, non ? Je parie que Fanny est de mon avis, elle. Elle n'a pas prononcé quatre mots. Dieu sait pourtant que d'habitude elle jacasse comme une piborgne. C'est que vraiment, il n'y a pas moyen d'être gai. Vous êtes navrant. Mais, dit M. Moret, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de pousser des cris de joie. Moi, si, j'aime à pousser des cris de joie. Et comme je m'aperçois que ça détonnerait ici, je vais ailleurs. Tu m'as assez vu, n'est-ce pas ? Bonsoir, Fanny. Bonsoir, tous. Au moment de sortir, M. Le Skaer ajouta tout bas en serrant la main à son neveu. Tu sais, Paul, sérieusement, gare à l'Alliance. J'ai vu Jassy avant dîner. Il était rayonnant.